Le suicide, mon envie, l'amour, mon ennemi. Ta fucking puissance divine m'a banni. Le crime, mon ami, je déserte, descends souvent la nuit. Déboire amoureux, je pars fermer ta gueule. Passe par ces endroits où, comme la lumière du réverbère, jeunes sont les blagues. À coups de barre en fer, dans les vitrines, on est heureux. J'aime ces endroits où traînent les chiens, vendeurs d'adrénaline. À tous les coins de rue se prennent pour des magiciens. C'est dans la soupe qu'on se lave les mains. J'aime quand on se casse la gueule. Si tu tends l'oreille, t'entends les hyènes qui gueulent. Ici, c'est dans les quartiers chauds que j'ai fait mon stage de 3ème. La pègre, c'est comme la cam, je souffre et je l'aime. Elle me libère, elle m'enferme. Elle a dépassé les bornes, elle me berne. J'en ai plein de buantes, je les vide. Fumée d'acide, brume. Ici, c'est chaud, ça s'évapore vite. Vite, trop vite, je suis toujours allé trop tard. Mais c'est tard, à 15 ans, j'ai commencé à casser. Bien coiffé, bien fringué. Comme un adulte propre, je vais me balader. Méfie-toi, clé anglaise, bombe gun sous cette beauté. La pègre, remède contre la dépression et l'ennui. Vivre la nuit, punk, discothèque. Les fleurs du mal dans ma bibliothèque. Là, ma vie m'a pas voulu de moi, alors je la braque. Pour me venger, déménager leur baraque. Bah ouais, l'amour, c'est comme la haine, j'y crois. Pour s'infiltrer, ils ouvrent leur gueule et fument. Mais quand il s'agit de passer à l'œuvre, y'a des lacunes. Putain, vive les drôles de trip sexuel. Embrasser une gouture du Punisher, selfie, vis hétéro, homo, transsexuel, asexué, travelo. J'ai gorgé John Travolta. Cette saloperie de petit fils à papa. Fucking disco, c'est le côté punk, rat de beurre. Fais gaffe, on n'est pas peu de rats. Dealer de coco dans le quartier populaire. Pop, pour la petite laine de petit puceau, défenseur de jaguar. Bain de sang rouge et la panthère, ma tigresse noire. Bah ouais, un bon son bien gangsta, comme on les aime. Bien crade, bien rythmé, quartier délabré. Amour aux violences, bitou glock. Cet été, je vais encore déraper, triper. Va dans le propre, je suis séquestré. Désolé si je viens t'étriper. Fais pas ton rageux, petit vital. Y'a qu'à peine sur scène que tu mets le feu. On n'est pas assez sataniste, nous, parce qu'on n'aime pas Dieu. Partout comme ici, c'est pas l'anarchie, mais le contraste, c'est-à-dire le bordel et la folie. On a la malchance de connaître les règles du jeu. Devant les meufs, je parle pas, devant les keufs. Le coin, c'est les plus là. Dadaïsme, mon dada. Sur le beat, comme moi, dada. Je radote, alala, alléluia. On s'en bat les couilles. Avec mes portes en marche, on écrit gamber, je berge, je barre, j'en rage, je marche. En marge, on remettra sur ton fashion rose et beige, on gerbera. Ça écoute pas de rap parce que tu vois, c'est des petits cons et tout, ça disant les rappeurs. Mais regarde-les, eux, ils sont comme les groupes de black metal, tu sais. Ils se lassent. Ils savent bien tout, tout ça bien rebelle. Mais en fait, ils ont du fric à gogo. Ils osent même pas descendre dans la rue, porter atteinte à un flic, tu vois. Ça se la joue, ça écoute de la musique violente et tout. Mais en fait, laisse béton, c'est des gentils en vrai. Ils essayent pathétiquement de ressembler à Satan. Ça se pisse dessus au moindre truc. Alors que ces petits citoyens, ils pas critiqués. Pas qu'on a des droits, je parle de moi. Droit, jamais droite, les mamouates, je boite. Jambes déchirées, d'eczéma, déchiré ou avec mon art de rage. J'ai retranscrit toute ma douleur, mais ça me suffit plus. Alors je m'évade dans la rue, là où ça baisse, certes, mais au moins ça aime pas. Je pourrais faire plaisir à plein de meufs, mais je suis pas au point. Connais pas les caresses, ma face façonnée par l'humiliation et les larmes et les coups de poing. Le coup de balle du calibre sur le tub, on met les points. Je préfère pas me regarder, le printemps se suscite en voyant. 24 avril, naissance à mort vivant. Fier, les mains dans les poches, j'avance, le tournevis serrant. Marre d'être fin, zen et intelligent, envie de bourrin, du répé grand. Et que les amoureux, les violents, merde, je suis les deux en même temps. Marre de m'autodétruire, j'aimerais que les autres aussi puissent souffrir. La pègre, contrairement aux stars, on n'a pas peur de mourir. En balle de canif en plastique, pas assez cruel pour nous nourrir. Faut que j'aille en banlieue pour perdre ma virginité. Sinon c'est à la Summer of Sam que ça va se terminer. Je vais créer une nouvelle embrouille avec la racaille pour me calmer. J'ai vécu avec les cordeaux, la pègre, comme avec les fils à papa et les condés. J'ai tout de suite vu la différence entre ceux qui avaient rien à perdre et ceux qui avaient peur de se faire gronder. Oh petit baiser, c'est dommage, t'as peur, tiens. Regarde mon point de près. Oh, bon. Dis donc, tu veux un câlin? Écoute bien ce refrain, c'est mes vacances. Oh, c'est con, merde. Ne jamais énerver un dépressif ou un malade psychologique, surtout pendant la saison des amours ou quand il